Allez, je plante des corps. Rix à l'approche, joue avec l'ombre des morts. Prêt à l'accord du puissant fond. Tous mes rêves se dérobent. D'un esprit bercé et percé. Mon âme se désordre. Carré d'as exercé. Comme tasse te fait perdre la boussole. Patrick à l'exercer. Puis l'on sky et névrosé. Faire fort comme un ressoutien pour tout notre art. Arrosé aux heures perdues, j'emporte la page. Ma vie rime juxtaposée. Même sans plan d'attache, m'en fous de vivre. Riche et apaisé. Un sac de rime en pactage. Kilotrage à la pesée. Prod, pique et partage. J'en finis le crap bien craquelé. Fuck, j'suis trop instable. Inimitable et martelé. J'avance à l'instinct, esprit minable, au cœur écartelé. Bah ouais frérot, tu penses je suis seul, on est mille dans ma tête. J'm'allume dans ma caisse et j'm'illumine en écume en ma taille. Le soir j'fulmine, des cris mes rides en rédigeant ma thèse. Résiduant du pull mal, les pieds arides comme mes pumes à la tête. J'parle de quoi ma routine, appuie là où le bas blesse. J'parle de vie, de mort, mes peines, mes doutes, rancœur et maladresse. Parfois faut faire la fine bouche, aussi plat qu'une vraie mentale. Une force mentale, une fine couche, un flot de mots si lamentable. Leur en bas, ma voix en bas, leur discours lamentable, la mangarde grave. Un petit bazar, ils en font une montagne, ils disent tous. Que tout notre art du jeu attise les femmes, pas la même main pour tous. Moi j'ai que mes mots que j'utilise comme ma main. Bah ouais cous, j'viens pas pour dérégler le jeu. Rix me donne un coup de pouce, parfait pour mes dimanches plus vieux. La rage et ma haine qui me pousse dans un corps mort et malheureux. Flamme, shit et bim, j'tousse. Dans mon mal-être j'ai mal au rap. Une auréole qui brûle, voilà ce que vient. Parfois mon aura, j'm'en fous que mon nom circule. Moi j'veux que ma plume reste honorable. Et merde. Et merde. Je sais plus ce que je disais en fait. Amnésie passagère qui serait certainement liée au fait. Putain, des maquements là où il me cogne. Aussi grasse et verte, aussi pure qu'à Wimbledon. C'est pour mes gars, mes go, mes grands, mes gros. Ce con du grand décro, toujours en fond d'écran. L'image du coup est dans ma tête ancrée. On est toujours pressé, précis qu'on soit si près ou excentré. On est peu expressif, c'est vrai, mais sur l'instru trop concentré. Rix, synthésie, M-I-S-T-A.